mal. Difficile de voir des larmes à travers les flammes. Doit pouvoir voter souvent ça finit mal. Difficile de voir des larmes à travers les flammes. Mon âme a la dérive, l'impression d'être libre. Dans mes yeux tu peux lire, je reste ferme et solide. Encore une fois.